بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومتبعهم بأحسن اليوم الدين أما بعد. طيب فاليوم إن شاء الله سنكمل هذا الدرس هذا الكتاب وفينا الليف إن شاء الله. كما ذكرنا لكم المسألة هنا في الكتاب هي سهلة جدا فالتعليق عليه قليل. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de ta'liq. Et la plupart des paroles de Cheikh Othaymin, il ne fait que redire ce que l'auteur a dit. D'ailleurs, ceux qui ont lu verront que les parties, les paragraphes contenant les paroles de Cheikh Othaymin sont très courts. C'est pour cela que, alhamdoulilah, on ne fait que traduire et on est classé, si on est classé à certains points, et le reste, alhamdoulilah. نمشي على بركة الله. طيب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى. قل ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغرض فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل فهو كافر المعاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. Donc il dit, nous allons clôturer par une parole, inshallah, par une grande mas'ala très importante, qui est comprise de ce qui suit, de ce qui est précédé, qui est à comprendre par ce qui a précédé. Cependant, nous la mettons à part du fait qu'elle est vraiment importante et que le grand nombre d'erreurs dedans sont présentes. Donc on le dit. Il n'y a pas de divergence que le tawhid doit être obligatoirement dans le cœur de la personne, prononcé et par les œuvres. Et si une chose de cela s'y oppose, alors l'homme n'est pas musulman. Car si jamais il connaît le tawhid mais ne l'applique pas, alors c'est un kafir, mu'anid, obstiné, comme ce fut le cas de Fir'aun et de Iblis. Donc de là, le shir, il dit, Cheikh Othaymin, قَالَ إِنَّهُ لَبُدَ أَنْ يَكُنَ الْإِنسَانُ مُوَحِّدًا بِقَلْبِهِ وَقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ فَإِنْ كَانَ مُوَحِّدًا بِقَلْبِهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُوَحِّدْ بِقَوْلِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ فِي دَعْوَى لِأَنَّ التَّوْحِيدَ الْقَلْبُ يَتْبَعُهُ تَوْحِيدُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Donc il dit que la personne doit être un muwahid. Il unifie Allah dans son cœur, dans ses paroles, dans ses actes. Car si jamais il est dans son cœur sans parole, alors il n'est pas muwahid. Et si jamais il est dans son cœur et dans ses actes, ou si jamais il est dans son cœur et dans les paroles sans actes, il n'est pas muwahid. Dès qu'il y en a un qui est absent, qui a une défaillance, il n'est pas muwahid. Tayyib, car le cœur est suivi par les paroles et les actes. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, quand elle est dans le cœur, dans le corps, il y a une partie de chair que si elle est réformée, tout le reste du corps sera réformé. Et si elle se pervertit, tout cela sera perverti, le reste du corps. Il s'agit du cœur. قال فإذا وحد الله كما زعم بقلبه لكنه لا لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما به لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية. Il dit car celui qui unifie Allah par son cœur, dans son cœur il prétend. Cependant, il ne le fait pas par ses paroles et par ses actes, celui-là ressemblera à Fir'aun. Fir'aun qui, au fond de lui, était convaincu de la vérité, il la connaissait, cependant il a perduré sur son obstination et à prétendre à Rububiya. Mais au fond de lui, il savait très bien. Iblis Kazalik. Iblis connaissait très bien la vérité. Il n'a jamais nié Tayyib, son Seigneur, et toutes les choses. Cependant, il a refusé de lui obéir. Il s'est obstiné. Tout en reconnaissant le haq. فقال المؤلف وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلادنا إلا من وافقهم غير ذلك من الأغضار. Donc il dit, et ça c'est une chose dans laquelle beaucoup de gens se trompent, car ils disent, c'est la vérité. Nous reconnaissons que c'est la vérité. Nous attestons que cela est la vérité. Cependant, nous ne pouvons pas la faire. Car nous, dans notre pays, il n'est pas permis de s'opposer aux gens. Donc ils refusent la vérité, ils acceptent la vérité, mais ne la suivent pas, ne l'appliquent pas, pour maintes excuses. Il dit, chez Ransemine, par rapport à ça, que ces excuses vaines leur sont totalement inutiles. Car il dit le wajib sur l'insan, en yaltamisa rida Allah, que la personne doit chercher l'agrément d'Allah, quitte à irriter les gens. Et non le contraire. Il n'est pas permis de refuser la vérité sous prétexte, taïeb, de s'opposer aux gens. Et ce genre d'excuses. فقال الشيخ ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Donc il dit, le miskin qui dit cela, c'est un miskin. Ne se dit pas que la plupart des chefs du kufr, أئمة الكفر, ils connaissent la vérité. Mais pourtant, ne l'ont délaissé que pour des raisons vaines comme celle-ci. Dans le sens où Allah dit, ils ont acheté les versets d'Allah à vil prix. Et dans le sens où Allah dit, ils connaissent la vérité comme ils connaissent leur propre fils. C'est le cas de Yahoud. Donc le shir, il reprend, shir Ansemin dit bien justement par rapport à ces gens-là, qu'ils prétendaient ne pas prendre la vérité avec moins d'excuses, qui ne leur serviront à rien, comme le fait d'avoir peur, de perdre leur statut, de perdre leur rang, de perdre les biens qu'ils avaient. قال فكثير من أئمة الكفر يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. Il dit que la plupart des aïmettes du kufr, ils connaissent la vérité, mais cependant ils ne l'aiment pas, ils ne veulent pas le suivre. فقال ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق. Et il dit que le fait de connaître la vérité et de ne pas l'appliquer, cela est pire que de ne pas connaître la vérité. C'est pire que de ne pas connaître la vérité. Il a dit, c'est pour cela que les Yahoud, du fait qu'ils ont couru la colère, du fait qu'ils avaient la science de la vérité, mais l'ont délaissé. والنصارى ضالين. طيب لأنهم يعرفوا لم يعرفوا الحق. Et les Nasara sont les égarés car ils n'ont pas connu la vérité. Mais par contre, il dit, لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. Il dit par contre, après l'envoi du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, les chrétiens sont devenus, les Nasara sont devenus comme les Yahoud. Ils ont su la vérité. Donc ils sont devenus de ceux qui ont encore la colère également. Hadith Faïda Jamila. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو الشر من الكافر الخالص لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Et celui qui applique le tawhid en apparent, mais qui ne le comprend pas et qui n'y croit pas en lui, dans son cœur, celui-là c'est un munafiq. Et celui-là il est pire que le kafir qui est pur, déclarant son kufr. Car là, dans le sens où il dit, certes, les munafiqoun sont au degré le plus bas du feu. Et yani, ils auront le pire des châtiments. قال وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة لأحد وترى من يعمل به ظاهرا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. Donc il dit ça, c'est une grande masala qui est longue. Mais celui qui la médite comprendra que la plupart des gens qui délaissent la vérité, c'est parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire ils connaissent la vérité mais ne l'appliquent pas, c'est par peur de perdre leur dunya, de perdre leur haut rang. Ou alors ils le font pour faire des concessions avec les gens, pour plaire à des gens. Voyez. Et tu vois celui qui l'applique en apparent, mais qui en réalité, si jamais tu l'interroges et ne la connais pas, On ne connaît pas la vérité. Dans la plaie, il applique la vérité, mais ne la connaissent pas au fond d'eux. Donc il dit, là, deux versets d'Allah SWT à comprendre. Il dit, أَوَلُهُمَا قُلُوا اللَّهِ تَعَالَى لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمات يمزح بها. Donc il dit, le premier verset, c'est la parole d'Allah où il dit, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après la foi. Donc si jamais tu réalises que certains des sahabas qui ont fait des conquêtes, qui ont combattu Rome avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont mécru du fait qu'ils ont prononcé une parole qui ne disait qu'en plaisantant et en jouant, tu comprendras que celui qui dit le kufr ou qui l'applique, qui le commet par peur de perdre de ses biens, ou de perdre son rang, ou par concession pour plaire aux gens, celui-là est pire que celui qui a prononcé le kufr par plaisanterie. قَالَ وَالْآيَ الثَّانِيَا قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدْ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ مَنْ طيب فَلَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ مَنْ مِنْ هُؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ مَعَ كُونِ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ وَأَمَّا غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَوَاءً فَعَلَ خَوْفًا أَوْ مُدَارَةً أَوْ مَشْحَةً بِوَطَنِهِ أَوْ بِأَهْلِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ فِعْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَزَحِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْرَاضِ إِلَّا الْمُكْرَهِ. Donc l'autre verset c'est quoi? Alors dans le sens où il dit, ceux qui ont mécru après avoir eu la foi, hormis ceux qui ont été contraints alors que leur cœur est rempli de la foi, cependant ceux qui l'ont fait par délibérément, voyez, délibérément, alors eux auront la colère d'Allah et auront un dur châtiment. Cela pourquoi? Car ils ont préféré la vie de ce bas monde sur l'akhirah. Donc Allah ce matin-là n'a pas excusé les gens qui ont fait du kouf à part ceux qui ont été contraints et que leur cœur était rempli de foi. Quant aux autres, ils auront mécru. Et ceux-là, qu'ils aient fait cela par peur ou pour plaire aux gens ou pour plaire à son pays ou à sa famille ou à ses proches ou garder ses biens, ou qu'il a fait cela pour plaisanter ou autre parmi les différentes raisons qui auraient pour s'agir de la sorte, hormis le contrat. وقال فالآيات تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلى المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل أما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد. Il dit c'est quoi? Que le verset t'en est la preuve sous deux angles. Le premier, c'est que Allah a dit dans le sens hormis celui qui a été contraint. Donc Allah n'a fait exception de personne si ce n'est celui qui est contraint. Il est connu que la personne, Tayyib, ne peut être contrainte d'une chose si ce n'est dans ses paroles, dans ses actes, mais pas dans sa croyance. Personne ne peut te contraindre à avoir une croyance. Ce n'est pas possible. قَالَ وَثَانِيَا قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فَصَرَّحَ أن هذا الكفر والغضب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك لو حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. Donc c'est quoi le deuxième angle? C'est que Allah dans le sens il dit cela du fait qu'ils ont préféré la vie de ce bas monde sur l'akhirah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement dit que cette mécréance que ces gens ont faite et le azab qu'ils vont subir, ce n'est pas pour une croyance qu'ils ont dans leur cœur, ou pour l'ignorance, ou parce qu'ils détestent la religion, ou parce qu'ils aiment le kufr. Non, c'est cela du fait qu'ils préfèrent la dunya. Et ils ont préféré cette dunya sur leur religion. Regardez bien ce que le verset dit bien. Tout cela du fait qu'ils ont préféré la dunya, c'est-à-dire les gens. ou leur statut ou leur travail ou les alika. Wallah azbillah. Quand le Cheikh Othaymin ta'alikon al-ad al-kalam. Quand le Cheikh bid dunya, كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رياسة أو غير ذلك مما آثر الدنيا بما فيها الآخرة وكفره من أجل إيثار الدنيا في أثر الدنيا فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. Donc il dit, il veut dire quoi par la dunya? Il veut dire tout ce qui est lié à la dunya, ça rentre dedans tout ce qui est lié au travail, au rang qu'il aurait au niveau des gens, ou le statut qu'il aurait de meneur, de président ou de chef, toutes ces choses-là qu'il aura fait prédominer sur Al-Akhirah. Il aura mécru du fait qu'il aura fait prédominer ces choses de cette dunya à Al-Akhirah. Donc il aura fait du kouf pour cela. Donc il sera kafir pour autant. Quand même. Non pas qu'il a préféré le kouf, au fond de lui, le kouf il le déteste. Taïeb. Et cependant, il a fait prédominer la dunya sur l'akhira. Il a fait du kufr pour cela. Donc, il en prend le jugement de kafir. Donc, il dit que la plupart des gens tombent dans le kufr, c'est pour cela. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yabi'a dinahu bi arad min arad dunya. Il vend sa religion pour des biens de ce bas monde. Le musulman vend sa religion pour des biens de ce bas monde. Il a dit quoi juste avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Yusbih mu'minan ou yumsi kafira. Que le matin il est mu'min et le soir il est kafir du fait qu'il a vendu sa religion. C'est-à-dire en peu de temps. Et c'est quoi la cause? Qu'il a vendu sa religion ou la azbillah. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font comme kufr? C'est par amour des gens. Et on a plein de gens pareils qui ne font pas du kufr, qui sont dans la bid'a ou dans la mukharafa, par peur des gens, par peur de perdre leurs amis, par peur de ne pas être avec le plus grand nombre, par peur d'être délaissé. Donc de là ils méritent le même jugement de bid'a. Ils tombent dans la bid'a. Non pas qu'il l'aime en soi, mais par peur. Car tout le monde est en train de la faire. Ou tout le monde est avec un tel, tout le monde est avec Foulen. Donc on ne peut pas se séparer des gens. Ou chez nous, celui qui n'est pas avec Foulen, il est délaissé. Et eux, ils ont peur d'être délaissés. Donc de là, le jugement sur eux s'applique également. Masalat et tabdir, wa tafsir, wa takfir sont les mêmes, on l'expliquait. Naam. Donc là, l'auteur finit. Waqal, wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. Donc là le cheikh a fini cette risala tayyiba nafi'a mufida jiddan dans laquelle il montre comment débattre avec les gens qui commettent du shirk parmi ceux qui se parentent à l'islam, que le fait de dire la ilaha illallah cela ne te garantit pas un islam à vie, mais il y a des choses qui peuvent annuler cet islam, et parmi les pires choses celles qui s'opposent au tawhid, quoi que tu fasses comme acte. Car le tawhid, c'est la base de toute chose. Et après, d'expliquer les raisons qui amènent les gens à agir de la sorte, et que même si dans ton cœur, taïeb, tu aimes l'islam, et que tu as les choses de la foi, à partir du moment où tu auras vendu ta religion pour la dunya, tu auras fait du kouf pour la dunya, taïeb, pour des choses qui ne sont pas de la contrainte, alors le jugement s'applique sur toi également. Des choses à comprendre et à méditer, et à bien assimiler, et à propager autour de nous pour conseiller la Ummah. Fabi Zakod Naktafi, Yakul Supranaka Ubi Hamdik, La Ilaha Illa Anta, Astaghfiruka wa Atubu Ilayk.